disant je t'emmène dans la danse folle vers le ciel. Et que les anges t'emmènent dans la danse folle vers le ciel. Et que les anges t'emmènent dans la danse folle vers le ciel. Vers le ciel. Et que ton âme tourbillonne libre, libre de crier sa joie de vivre. Oh Jésus. Se fâle vers le ciel, vers le ciel, et que ton âme tourbillonne libre, libre de crier sa joie de vivre. Oh Jésus, et il dansera pour toi en poussant des cris de joie. Et il dansera pour toi en poussant des cris de joie. Et il dansera pour toi. En poussant des cris de joie. Il dansera pour toi en poussant des cris de joie.